بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طيب عندك يا محمد بارك الله فيك ما هي شروط الفعل التعجب يكون الشعر الثلاثي مثبتا متصرف طيب ان يكون فعل الثلاثي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وايضا مثبت ما معنى مثبت العكس يكون منفي سي الانفيرس راه منفي طيب فهمي اللي هو وايضا مفيد لا عندك متصرف ما معنى متصرف ماضي مضارع يعني انا ان فيرب كي با متصرف كما كو ليس احسنت تسابل كومو ليس فعل جامد طيب اذا قلنا فعل الثلاثي مثبت متصرف وايضا نعم افعل ثلاثي طيب وايضا أحسنت وأيضا أن يكون تام ما معنى تام ناقص إيه نعم ولكن ما معنى طيب مفعول ودان خبر سيدير يكتفي لميو سيدير سو مرفوع لي سيفي طيب إن شاء الله هذا بارك الله فيك طيب كيف سيدير تعجب يا عثمان؟ تلمون الإكلاماسيون طيب وصيغة التعجب كيف تكون؟ ان اكزامبل صيغة الصيغة صيغة لا فورم اللي كومون؟ نو جو الوغ جو دي دومون ان اكزامبل هذا سي سا سيغا سي با جوست لو فيرب 3 لتر سي جي دابا سي تعجب ذا اه 3 لتر طيب الوغ اون ديرا كوا ما اتولى الرجل طيب الما هنا سي كوا نافيه سي كوا ما تعجب تعجب احسنت بارك الله فيك ما اجمل باغ اكزومبل عندك عبد الكريم سي تو دي ما احسن اللبنه اعرب هذه الجمله ما أحسن هذه ما أحسن اللبن تسأل إعرابة شيك لبنة سلمات خلبي تيجي تبى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قام زيدون يلو المفعول بين قام زيدون قام زيدون اخويا لا زيك شتي دي سي با فورسيمون تي كومونس بار لو فيرب سي بلو فاسيل سورتو بور ان ديبيتون فعل فاعل كما ثم مبتدا خبر طيب ما مبتدا ما مبتدا احسن فعل ماذا مضارع امر ماضي ما يكسر تعجب وين أبخي اللبنة مفعول به يا با تفعل on a donné une règle importante on a dit tout verbe lui faut un sujet et tout مبتدا lui faut un خبر et t'as cité un verbe mais t'as pas cité de sujet ouais, il est très bon je viens de dire عندك سيني مولولي الله يهديك عندك يا سامي الله يحفظك نعم اين الفاعل؟ اين الفاعل سيما؟ لا سيما إلي مستطير تخي بيان ولكن التقدير؟ نعم التقدير سوز انتوندو كوا؟ سوز انتوندو هو هو احسن بارك الله فيك ما احسن لبن طيب بارك الله فيك. عبد الكريم، une chose ne peut pas être مفعول به en même temps فاعل. طيب. عندك يا سامي toujours. Hein? Est-ce qu'on peut confondre par rapport à ce qu'on a vu le fait qu'on ait dit que le fi'l le ta'ajjub il a les chourous du ism tafdil. Tu peux donner certains indices pour que les frères y comprennent. Déjà, non. Déjà, ism ta'ajjub là, il a pas de comparaison après. معنى التعجب ما في المشاركة في الصفة مفهوم؟ il n'y a pas de comparaison dans une quoi? Une description. Quand tu dis ما أحسن اللبن ما أطول الرجل مفهوم؟ ما أجمل آمنة إلى آخر. C'est-à-dire quoi ici? C'est de l'exclamation. Également, qui peut rajouter? Si quelque chose, il lève la main. Tadal. Le signe à la fin. Comment? Le signe à la fin. Le, non, mais je t'écoute. C'est quoi le signe? Bah, par exemple, le تعجب. Le... Fatha, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire faire le ta'ajoub, il est toujours meftouh. Comme dahaba, akala, mefoumada. Alors que l'ism tafdil, il peut être quoi? Mejrour, marfou. Taïb, également. Le point d'exclamation qu'il y a là. Ça, c'est au niveau du tarqim, au niveau de l'écriture. Taïb. Et également, on verra que, vous verrez ça plus tard, que l'ism tafdil, il peut avoir un if, alif wallam. Taïb, Inch'Allah. C'est compris, Inch'Allah, tout ça? Alors, Inch'Allah, même s'il y a les mêmes conditions, mais il n'y a pas de confusion. Le premier, c'est Al-Musharaka, l'association dans quoi? Dans une description. Zaydoun a'lam min Omar. C'est vrai ou non? Ma ahsana labana. Ici, c'est quoi? C'est l'exclamation. Le fond? Barakallahu fikoum. Andek. Andek, Abdel Majid. إذا كان الاسم مفرد علم أو نكرة مقصود، c'est quoi son حكم؟ C'est-à-dire qu'est-ce que je lui mettrai comme terminaison؟ Si j'appelle un frère un مفرد علم، comment tu l'appelleras؟ Par exemple appelle عثمان là. يا عثمان يكون ماذا؟ يبنى على ما يرفع به. يا عثمان. طيب ici c'est نكرة مقصود. Donne-nous un exemple. Comment? Ya Oustadou. Même Anna Anakira Maksoud. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire avant le Nida. Voilà. Et le fait de l'avoir appelé, on a quoi? C'est-à-dire il est visé dans ton appel. Ya Oustad. Ya Rajul. Ya Walad. Me foum. Ya Mariamou. C'était Ma'rifa avant même le Ya ou après pendant, quand on a fait entrer le Ya? Avant même le Ya. Taïb. Et Ya Oustad. Il n'était pas ma'rifa. Falama dakhala dakhalat al-haf al-nida sara ma'rifa. Mais faut m'aider. Taïb. Andek toujours aïmana, barakallahu fik. Si le ism il est al-munada idha kan mudaf. Comment? Mithal? Taïb. Muhammadin. Ya ukhta Muhammadin. Vous avez compris, Inch'Allah? Si c'est un prénom composé, يا عبد الله طيب سي سين كنيا يا أبا بكرين طيب إن شاء الله بارك الله فيك يوم فيرا إن شاء الله بيانتو ك الجمع المذكر سالم c'est-à-dire le pluriel des hommes il y a un nous à la fin hein عليكم السلام ورحمة الله وبركاته et également le مثنى il y a un nous c'est-à-dire إذا كان الجمع المذكر سالم والمثنى مضاف سنحذف ماذا النون. Par exemple, tu dis « Ya muslimou » par exemple, « Tunis ». Tu ne diras plus « Ya muslimei » C'est-à-dire quoi? Il sera « Mansoub ». On va supprimer le « Nun ».« Ya bani Israël ». Après, on m'a demandé hier pourquoi on dit « Bani ». Vous avez compris ?« Ja'a », tu diras « Ja'a » par exemple, « Banu Israël ».« Ja'a muslimou al-Yaban ».« Ja'a muslimou al-Misr ». Vous avez compris ?« Hada mudaf mudafile » ça vous le verrez. Plus tard. Vous avez compris ça? Munada. C'est-à-dire comme hier, al-maqsoud, al-munada. C'est-à-dire quoi? Al-nida waqa'a ala man? Par exemple, ala Uthman, ya Uthman. Le foum? Wal-ya wal-harf nida. C'est l'outil de quoi? Pour appeler. Qui a appelé? La chose qui arrive après. T'as Inch'Allah, ça c'est des douloureuses qu'on fera dans le 3. Ism fa'al, ism f'oul, tu vois. Ism al-ala, ism makan, ism zaman, qui sont très très intéressants. Inch'Allah ta'ala. Taïb, bismillah les frères. Ta'amel l'amthi. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Ta'ajoub. Hein? Simplement, on avait rajouté hier Nakira Ghair Maqsoud. Ah, Ahsant, barakallahu fik, jazakallahu khair. Et Sami, un exemple avec Nakira Ghair Maqsoud. Ya Rajulan. Ya Rajulan, Ahsant. Taïb, ça ce serait l'exemple de qui, Bilal? Un aveugle qui entendrait la voix de plusieurs hommes et qui voudrait traverser par exemple. Ya Rajulan, khoud biyadi. Le faux? C'est-à-dire, quelle est la différence ici, Uthman? Nakira Maqsoud ou Nakira Ghair Maqsoud? Comme on a dit, il est désigné dans l'appel. Mais faut, au départ, il est Nakira. Il a, t'as dit Ya Rajulu Ta'al. Par exemple, tu dis Sa'idni, il est akhir. Et là, quand tu as dit Ya Rajulan Khud Biyadi, voilà, c'est Nakira. C'est un appel pour qui que ce soit. Mais faut, Mada, Hada Mana Ghair Maqsoud. Pour le Ghair Maqsoud. Ya Rajulan, Marfa Bimadana. T'entends? Rajulan. Ah, Mohamed. On l'a fait ça, non? T'étais pas là? Si, voilà. Ya Rajulan. C'est Ghair Maqsoud. Allah yabarik fik. Il est mansoub, Mohamed. Taïb. Ta'amil al-amthila, thumma ayyan fima yali jam'a mu'annath salim. Wadbit akhirahu. Taïb. Là, on fait quoi l'exercice? Grand 8. Dans certains livres de Nahou, barakallahu fikoum, vous allez trouver le ta'arif du jam' mu'annath salim. Ils disent quoi? Ma dalla ala akhtar min ithnatayn bi ziyadati alif wa ta ala akhirihi. Ils disent quoi? Akhtar min ithnatayn. Vous avez compris pourquoi ils disent ça? Limada? Parce que c'est quoi? Jam' de quoi? Mu'annath. Le mu'annath c'est quoi? C'est le féminin. C'est pour ça qu'on dit quoi? Ithnatan. Hein? C'est du féminin. Ithnan c'est quoi? Mudhakar. Mais faut ça, c'est une tarif. Mais cette tarif là, elle est quoi? On peut aller un peu critiquer par rapport à quoi? Comme on va le voir, bismillah. Taïb, ils disent alors, madalla ala akhtar min ithnatayn biziyadatin alif wa ta ala akhirihi. Vous, le mieux, c'est que vous mettez quoi? Jam'a mu'annath salim, ma jumi'a bi alif wa ta, taïb, ma zidatayn. Taïb. C'est-à-dire, il n'y a pas le taqyid, c'est-à-dire, akhtar min ithnatayn. Pourquoi? Car on va trouver certains mots qui sont de base masculins et qui ont une forme de quoi? Un pluriel sous la forme féminine. Mais Fumada, et je vais vous donner deux exemples comme ça, Inch'Allah. Est-ce que vous avez compris le fait pourquoi on rattrape la signification là? T'as compris, hein? T'as pas compris? Qui a pas compris? Taïb. Il y a le jam' mu'annath salim, on va commencer. Même un jam' déjà. Pluriel. Mouanneth, féminin. Taïb. Et Salem, on va commencer. Alors on va laisser ça après. Taïb. Aujourd'hui, on fait quoi? Le pluriel féminin. Et le pluriel féminin, vous savez quoi? C'est à partir de quoi? De deux. C'est-à-dire de plus que deux. Certains, dans des livres de Nahou, ils disent quoi? Barakallahu fikou. Madalla ala akhtar min ithnatayn. Suivez bien, les frères. C'est pas difficile. Akhtar min ithnatayn. Taïb. Biziyadati mada. Alif wa mada wa ta fi akhirihi. Taïb, eux, ceux qui ont fait cette signification à des tarifs, il faut que ça soit quoi? Plus de quoi? De deux féminins. Mais Fumada, par exemple, tu dis quoi? Fatimatun, Fatimat. Madarasatun, on dirait quoi? Vous avez compris? Mais il s'est avéré qu'on a trouvé certains noms qui sont de base quoi? Le Mufrad, il est masculin, mais qui a quoi? Un pluriel sous la forme quoi? Féminin. Féminin. Vous avez compris? Parce que si on garde cette signification, est-ce qu'on peut mettre des mots de base qui étaient masculins? Là, parce qu'il a dit quoi? Ce sera plus de deux, en ma'ana, féminin. Vous comprenez ça, non? Qui a pas, t'as compris, là? Bien. Décalé? Tout le monde a compris, là? Bilal? Clair ou? Wahabi? Ayman? Taïb. Alors le mieux c'est de dire quoi, barakallahu fikoum, ma jumi'a bi alif wa ta mazidatayn. Ça veut dire ce sera quoi? C'est celui qui aura un pluriel avec quoi à la fin? Alif wa ta en plus. C'est-à-dire il est en plus du mot de quoi? De son singulier. Par exemple, si vous dites bah, hammam, hammam c'est quoi? La salle de bain. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Hein? Mudakkar. Et le pluriel sera quoi? Hammamat. Mais faut maoula. Tout le monde suit? Hada. Si on aurait pris la première signification, est-ce qu'on aurait pu mettre hammam? Là. Parce que c'est quoi la première signification qu'ils disent? Il faut que ça soit plus d'un deux, plus de deux au féminin. Mais faut maoula. Après, on a quoi? Hammam. Hammam, c'est quoi? Des pigeons. Attention, hein. Le premier, c'est hammam. Il y a un shadda. Et le deuxième, c'est la même écriture. Mais c'est hammam, les pigeons. Tu diras quoi? Hammamat, pigeon. Est-ce que c'est du masculin ou du féminin à la base? Masculin. Me font mal. Et ça, ça permet de quoi après? De faire entrer ces mots-là. Compris, hein? Bien, bien. T'as c'est quoi le mot pigeon? C'est hammam ou hammam? Hammam. T'as vu, Inch'Allah? Non. سماوات هذه السماوات هذا السماء لا باسكو ابري سا سا رامي سون سا رامين سون اصل يا واو هذا ابري لا اون va rentrer dans un autre درس de صرف طيب باسكو يديس كو لو بلوريال دويل رامين لي لتر ا دو باز مفهوم سما الله يبارك فيك سوي كي ساكي كي كونيس دي شوز فو ميو لي غاردي او با كي سا شوش الله يبارك فيك طيب باسكو سا سي بلوتو دون لو صرف. En tout cas, ce que vous avez compris là, hein? Abdallah, Mohamed, bien? T'as compris, hein, Mohamed? Trois Mohamed là, on a. Mohamedoun. Après, maintenant, on va revenir par rapport à quoi? À la ta'arif. Al-Jam, c'est le pluriel, alhamdulillah. Al-Mu'annad, c'est quoi? Féminin. Il nous reste quoi, Salem? L'imada soumia, Salem. Salem, ça veut dire quoi à la base? Souvenez-vous du jam' taksir. Comment on dit un enfant, Abdelhamid? Waladoun. Et son pluriel? Aoulad. Est-ce que le pluriel correspond au singulier? Au niveau de quoi? De l'écriture. Vous avez bien vu qu'il y a carrément quoi? Un changement. Au départ, on avait Waladoun. Tout le monde y est? Quand on dit Aoulad, est-ce qu'on, il est où le waw du début? Supprimé. La deuxième lettre, c'était quoi? Lam. Vous me suivez? On dit quoi? Aoulad. On a fait quoi? Une prolongation. C'est pour ça qu'on dit jama' taksir. C'est-à-dire quoi? Ça a changé le radical, c'est-à-dire le mufrad. Certains l'ont même appelé, par exemple, le pluriel, on va dire brisé. C'est mieux de dire, par exemple, ça. Vous avez changé quoi? Le radical. C'est-à-dire le mot de base. Waladun aoulad. Vous avez compris? C'est pour ça que quand on dit jama' mu'annad salim, jama' mudhakkar salim, le plus souvent. Et ça également, il y en a, ils font pas attention à ça. Il faut pas dire que le radical ne va jamais bouger. Non, tu dis le plus souvent. Car je vais vous donner deux, trois mots comme ça, où il va s'avérer qu'il y aura un singulier, il aura un pluriel, mu'annad salim, mais quoi? Qu'il n'y aura pas le même radical. Par exemple, pour vous comprendre encore mieux, c'est quoi salim? Un musulman, comment on dit un musulman? Muslimoun. Et le pluriel? Muslimoun. Tout le monde y est? La première lettre, c'est quoi? Mim. Après? Sin, après lam et mim. Ça, c'est quoi? C'est le singulier. Au pluriel. Est-ce qu'on a rajouté quelque chose ou on a changé quelque chose par rapport au radical? On rajoute le waw et le nun. Et on touche pas à quoi? Au radical, il est toujours là. C'est pour ça qu'on dit jam' mudhakkar salim. C'est-à-dire quoi? Que la base du mot, elle est toujours là. Muslimoun. Vous avez compris? Comment on dit un ingénieur wahhabi? Et le pluriel? Hakada. Muhandisoun, muhandisoun, muhandisoun. Comment dit un prof? Ustad. Non, à part ustad. Muallimoun. Ah, sinon ce qu'on connaît le plus. Mudarrisoun. Mudarrisoun. Vous avez compris là? Hada. Tout le monde a compris là? Maintenant, c'est pour ça qu'on dit salim. C'est-à-dire quoi? Le radical, c'est-à-dire le mot de base, il ne doit pas bouger à la base. Muslimatoun, on dira quoi? Muslimat. Mudarrisatoun? Mudarrisat. Hakada. Ça veut dire quoi? Tu as juste rajouté Alif ou Ta. C'est-à-dire, grâce à Allah, vous avez su c'est quoi? Al-Jam, Al-Mu'annad, et quoi maintenant? Et Salem. Hada, vous dites quoi? Al-Ghalib, si vous voulez l'écrire. C'est-à-dire le plus souvent. Taïf. Et après, vous notez deux mots. Par exemple, quand on dit quelqu'un qui va en sujoud, on dira quoi? L'action. Sajdatun. Écrivez Sajdatun. Qui veut appeler Mohamed Sajdatun? Sin, Jin, Dal et Ta. Ta Marbota. Et avec les harakats, ça fera quoi? Il y a une fatha sur le sin, une soukoun sur le jim, une fatha sur le dal et dammatan sur quoi? Le ta. Le pluriel, ce sera quoi? Sajadat. Tout le monde y est? Est-ce qu'il y a, un changement? Au niveau de quoi? Au niveau des quoi? Des harakat, le tashkil. Parce que jam al taksir, c'est pas forcément un changement de lettre. T'as entendu ce que j'ai dit? Ah ouais, t'es avec lui. Que j'ai dit quoi alors, Mahdi? C'est important ça, c'est pour vous. Parce que certains profs, j'ai peur pour vous après que demain, vous allez dire Jam'a Mouane Salem le frère. Parce que c'est certain, confirme dans la tête, il oubliera de te faire quoi ce tambi là. Pour pas après que ça commence à dire comment une fois Abdahmed nous a dit ça, et le prof là il nous dit ça là. Et ça, c'est des remarques qui sont importantes pour vous. Comme ça, Inch'Allah, quand tu feras l'ajromiya, t'auras compris la remarque du frère. Rakez. Taïb. Alors, Sajdatoun, on disait quoi, barakallahu fikoum? T'as bien vu qu'il y a fatha, sukun, fatha, dammatan. C'est vrai ou non? Et jam' al-taksir, c'est pas forcément un changement dans les lettres. Là, ça peut être un changement au niveau de quoi? Des harakat. Comment on dit un lion? Asadoun. Hein? Comment, c'est quoi le pluriel de Asad? C'est lui, je regarde vers là. Hein? Ousoud. Hein? Le changement dans les lettres ou dans les harakat? Harakat. Vous avez compris ça? C'est pourtant jam taksir. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Taïb, une femme enceinte, on dira quoi? Hubla. Hein? Hubla, hublayat. Vous avez compris? Et là, il y a un changement, pareil. Et vous mettez ces deux exemples-là pour que vous ayez compris après. Mama'ana at-tagir. T'as compris, Samy, bien? Non. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Alors, on a fait quoi? Par rapport à la signification du Jam'a Mouane Salem, Uthman, c'est quoi les deux remarques qui sont importantes par rapport à ce ta'rif? Ça veut dire le ta'rif de Jam'a Mouane Salem dans les livres de Nahou. Nous, on a fait deux remarques par rapport à celle qui est connue dans les livres. C'est quoi les deux remarques qu'on a données? À la base, ils disent quoi? Barakallahu fik, ils disent ma dalla ala akthar min ithnatayn. Taïb, biziyadati alif wa ta fi akhirih. Qu'est-ce que nous on a reproché à cette signification? Comment? Andek. A voix haute. Le texte c'est du féminin? C'est du féminin, même nous on dit que c'est du féminin. Voilà, c'est-à-dire que le pluriel il sera plus de deux au féminin. Alors qu'il s'est avéré qu'on a trouvé quoi? On aura la forme au masculin féminin, alors que son singulier il est quoi? Non, masculin. Eh ouais. C'est-à-dire le pluriel il sera quoi? Sous la forme du féminin, alors que sa base elle est quoi? Masculin. Comme quoi, Yabilal? Hammam. Avec le shadda, c'est-à-dire la salle de bain. Hammamat. Et comment on dit pigeon? Hammam et le pluriel? La même chose. Bidon taji. Taïb. C'est compris, Inch'Allah? Également, qu'est-ce qu'on a fait comme remarque à Mohamed? Sur Salem. Sur Salem. Ahsant. Ma'ana jam'a mouana Salem. On a dit Salem, ça veut dire quoi? C'est que le plus souvent, le radical, il sera présent. Il ne bougera pas. Un exemple qui ne bouge pas. Muslimoun, ouais. Muslimoun, c'est des sœurs ça. Muslimoun. Non, muslimat. Muslimat, un tabou. Muslimatoun. Muslimatoun. Et son pluriel? Muslimatoun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Le radical, il n'a pas changé. C'est-à-dire on a tout retrouvé dans dans le pluriel. T'as un exemple, Abdelkarim. Non, c'est-à-dire que le pluriel va changer par rapport au radical. Alors que c'est un pluriel féminin. Non, vas-y, tfaddal. Hublatoun. Hubla, pas vrai, Hublatoun. Ah non, parce que c'est Hublatoun, Hublata. Là, c'est la même chose. Hubla. Hubla. Hublayat. Hublayat, non. Il y avait plus simple, ça lui donnait quoi? Sajdatoun. Sajadat. Ah, kada. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a changé des lettres ou des harakat? Des harakat. Taïb, Inch'Allah? Tout le monde a compris? Taïb. Maintenant, il reste une chose qui est importante. Là, on va rentrer dans quoi? Barakallahu fikoum. Au niveau de quoi? De l'i'rab. Taïb. Al-marfou' asluhu. Sami. Alamat al-raf. Damma. Damma. Alamat al-nasb. Al-fatha. Al-fatha. Wa alamat al-jar. Al-kasra. Tout le monde connaît ça, Inch'Allah. Taïb. Après, on a vu quoi dans le Muthanna? Alamat al-raf. Al-alif. Taïb. C'est compris ça? C'est ce qu'on vient, c'est la seule chose qu'on a vue par rapport au raf. C'est que l'alif a remplacé quoi? La damma. Et dans le même mamnu' min al-sarf, il y avait une exception, c'était quoi? Quand il est marfou' avec une damma. Quand il est mansoub avec? Avec fatha. Une fatha, il est majrour avec? Il n'est pas majrour. Non, il n'est pas majrour. Dis-moi, j'ai regardé vers Ahmed, tu diras quoi? Araitu ila Ahmed, là, ça se dit pas. Nadartu ila ila il est majrour. Ahmed, hein. Et le mamnu' as-sarf, il ne prend pas de kasra, ya Mahdi. T'as dit, il n'est pas majrour. C'est différent entre dire, il n'est pas majrour et qu'il ne prend pas de kasra. C'est même le fait de dire que le mamnu' as-sarf ne prend pas de kasra, est-ce que c'est bon de dire ça? Là, il peut en prendre, avec des exceptions. Toi, tu aurais dû dire quoi, barakallahu fik, que le mamnu' as-sarf, il a sa fatha à remplacer quoi? La kasra quand il est majrour. Nadartu ila Ahmada. T'as compris là, Mahdi? C'est-à-dire quoi maintenant? On est rentré dans une exception. Al-mamnu' min as-sarf, quand il est majrour, il aura une fatha à la place de quoi? Une kasra. Mais la kasra peut réapparaître. Tu dis quoi? Marartu bil masajidi. Pourquoi la kasra elle apparaît ici? À cause... Mais pourquoi? C'est pas à cause du fi, forcément. Wahabi? Si, masajid. Masajid, c'est même là, mais le sarf à la base. Les frères révisés, les doros. Masajid. À la base, tu dis quoi? Hadihi masajid. Tu dis pas hadihi masajidun. Pourquoi j'ai dit marartu bil masajidi? J'ai remis une kasra ici, Wahabi. Tu viens un petit peu du dars, même là, mais le sarf. Quand est-ce qu'on peut refaire apparaître la kasra? Tu peux trouver, Inch'Allah. Tu sens quelque chose là quand je parle? Là, le hafjar, il sera... Nadartu ila Ahmada. Pourtant, il y a le hafjar. Et pourtant, je n'ai pas fait apparaître la kasra. Regarde comment je le prononce. Marato bil masajidi. T'entends? Est-ce que j'ai fait une liaison? Là, tu sens? Alif lam, c'est ça la réponse. Alif lam, si ça rentre dans le mamnu' min as-sarf, qu'est-ce qui se passe? Al-kasra tadhar. Souvenez-vous, ou le modaf. Révisez ce dars, ça c'est un dars important. Je vous ai dit quoi? Souvenez-vous dans le 1. Ce dars là, vous allez le comprendre. Mais s'il n'est pas révisé, vous allez l'oublier. Pourquoi? C'est du hifd. Vous avez compris ça? Vous n'avez pas fait? Ah, taïb. C'est-à-dire, regarde, le mamnu' min as-sarf, la kasra, elle réapparaît quand? S'il y a alif wa lam ou si lui il est modaf. Marartu bil masajidi. Ou marartu bi masajidi Quraysh par exemple. J'étais à la Mecque et j'ai dit marartu bi masajidi Quraysh. Les mosquées de Quraysh. Par exemple, marartu bi masajidi al ansar. Ici il est modaf. C'est compris, Inch'Allah? Alors pour revenir à ce qu'on voulait, c'est qu'on a vu là quoi, barakallahu fikoum. Al-Muthanna, il est marfou' bil-alif. Et le mamnu' min as-sarf, il est majrour bimada? Bil-fatha. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas majrour, le mamnu' min as-sarf. Aujourd'hui, on va voir quoi? Al-jam' mouanet salim. Il sera marfou' bimada? جمع مؤنث سالم بضمة السلام طيب مرفوع بضمة ومنصوب بماذا بالكسرة on trouve une nouvelle exception alors que le mansoub normalement c'est avec quoi Sami العص بالفتحة نعم عص بالفتحة هذا فهنا بارك الله فيكم جمع مؤنث سالم يكون منصوب بماذا بالكسرة c'est compris ça inshallah ويكون مجرور بماذا بالكسرة ça veut dire que le جمع مؤنث سالم il est sorti quoi de l'exception à quel niveau dans le mansoub et ça vous l'apprenez par cœur c'est que dans le جمع مؤنث سالم la كسرة au niveau du mansoub. C'est-à-dire, si tu l'apprends par cœur, tu ne te feras pas avoir dans les autres choses. C'est compris ? Je répète avec un temps plus facile. La kasra n'apparaît fi hal al-nas que dans jam' mu'annad salim. Vous avez compris ce que je viens de dire là ? Est-ce qu'on peut trouver, par exemple, un autre pluriel mansoub avec une kasra ? Ben ouais, si c'est un mu'annad salim. J'ai demandé si un autre. Demandez. Je parle à deux fois. Allah yedik, Allah. D'ici c'est un jam' mu'annad salim. طيب عندك يا عبد الله on peut trouver la kasra autre que jam' mu'annad salim quand il est mansoub hein non tout salam طيب on commence alors moi je vous donne un exemple marfou' طيب tu diras ja'at al-muslimat écrivez ça inchallah parce que c'est dommage, l'auteur du livre, il a mis directement du mansoub. Ja'at. Al-muslimat. Tout le monde y est là, c'est bon ? Hein ? Là, il est marfou, pourquoi ? جامعة جاءت سي كوا جاءت الله ما شاء الله اللي venue جاءت tu viens de me dire c'est un pluriel automatiquement que c'est pas elle elles sont venues جاءت ما معنى جاءت ouais Ça y est, par rapport, là, c'est un verbe. C'est ça que je veux, les frères. Faut que je vous dise tout, sinon c'est impossible que je sorte quelque chose. Moi, je vais vous... Là, le cerveau, la bosse. Allah, il va avec fécum, Allah. Taïb, moi, je t'ai demandé pourquoi il est marfou. Tu me dis, il est diam'. C'est ça, le problème. Pourquoi il est marfou ? Il est fa'il. Hada, me foum ? Al fa'il, il est quoi ? Marfou. Taïb, inshallah. Et ja'a, tu me dis quoi ? Il est fi'il. طيب هذا هو فعل جاءت التاء هنا تاء تأنيث ça veut dire quoi تاء تأنيث c'est à dire que le mot qui viendra après ça demande quoi un sujet féminin طيب إن شاء الله جاءت المسلمات مفهوم ou si vous voulez un autre exemple مرفوع pour جمع مؤنث سالم المسلمات on dira quoi par exemple hein Donnez-nous un khabar. On dira quoi ? Comment on dit, tiens, Andek, Uthman, assoiffé. Qui se souvient ? Aïtachon. Naam, taïb. Il n'y a pas de mal. Alors là, il est marfou, pourquoi ? Al-Muslimat, et on lui a donné après. Elle est mubtada, un muslimat. Marfou parce qu'il est mubtada. Mais faut, Inch'Allah, c'est-à-dire là, on a donné un exemple fa'il et un exemple mubtada. Taïb, Inch'Allah. Maintenant, on prend un exemple. Quand il est mansoub, tu dis quoi ? Ra'aytu al-muslimati. Mais faut, ra'aytu al-muslimati. Alors qu'on avait appris quoi ? Alamat al-nasb, normalement, c'est quoi, Uthman ? الفتحة رأيت المسلمات هذا خطأ. À partir de maintenant, si c'est un jam' مؤنث سالم رأيت المسلمات رأيت المدرسات رأيت المدارس المدارس سنو سنوت بلوغيال طيب نجي بيان كومبري سواء عبد الله احمد طيب ان شاء الله كسره مي لا ان بلاس دو منصوب طيب سي كومبري سا فوالا بارك الله فيك ça il faut faire attention hein il est manso ça veut dire quoi il est mef'oul bi ولكن علامة النصب tu dis quoi al kasra niyabah an al fatha elle a remplacé quoi la fatha mais sinon sa place c'est quoi mansoub mef'oul bi طيب est-ce que maintenant ça ça concerne que le mef'oul bi non si on fait rentrer inna c'est quoi le travail de inna Abdelhamid yansab al ism wa yarfa al khabar si je dis si je dis quoi par exemple inna al muslimati ou inna al muslimata Ahsan, pourquoi parce qu'on a dit il est mansoub bimada bil kasra c'est compris ça inshallah hein qui a compris ça tout le monde a compris ça c'est pas spécialement et ça c'est un tambi il faut faire attention c'est pas forcément que pour maf'ul bi non on a dit il est mansoub wa an-nasb a'am c'est plus général alors que si tu aurais dit que le jam' mouannad salim il est mansoub que s'il est maf'ul bi est-ce qu'on aurait pu faire entrer inna non vous avez compris ça alors tu dis quoi inna al-muslimati et non pas inna al-muslimat taïb inshallah comment parce qu'il est mansoub parce que inna il fait quoi inna il lui faut un ism et un khabar taïb à la base il t'aurait dit une femme par exemple elle est malade tu aurais dit quoi Inna al-muslimata maridatun. Le fond, mais comme simple réel, inna al-muslimati. T'as vu, Inch'Allah ? Voilà. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Hein ? Abdelkarim, bien ? Là, on rentre dans le nahou, ça commence là. T'as vu. Maintenant, un exemple de majrour. Tu diras quoi ? Nadartu, par exemple, ila al-muslimati. Et là, il retrouve sa quoi ? Sa terminaison de base. Majrour bil kasra. Taïb, Inch'Allah ? Alors, on répète. Jam'a mouannad salim, marfou' bimada ? Bidamma. Mansou bimada ? Bil kasra. Est-ce qu'on trouvera la kasra autre que, c'est-à-dire dans la place de Mansou, autre que Jam'a mouannad salim ? Non. Mais foumada, ça, il faut l'apprendre. Taïb, Inch'Allah ? Et il est majrour bimada ? Bil kasra. Vous avez compris ? Ça veut dire quoi ? L'exception, elle se trouve ici où ? Fil nasb. T'as vu, Inch'Allah ? Alors, si vous avez un cahier, vous pouvez apprendre par cœur. Vous avez quoi maintenant ? Al-Muthanna, Marfou' Bimada, Bil Alif. T'as vu ? Par rapport à ce que vous avez étudié. Al-Mamnu' Min Al-Sarf, Majrour Bi, Bil Fatha. Et aujourd'hui, on a quoi ? Jam' Mouannad Salam, Majrour Bi, Mansou Bi, Bil Kasra. C'est-à-dire, trois essais. Vous avez quoi ? Trois nouvelles exceptions. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah ? T'as vu. Est-ce que Al-Mansoub bil Kasra, c'est khas pour le maf'oul bi, Sami ? On peut aussi l'utiliser avec Inna. Inna. T'as vu, Inch'Allah ? Barakallahu fik. Eh, naam ! C'est Inna et wa khawat. Barakallahu fik. T'as vu ? T'as vu. On lit alors. طيب رأيت سيارة on dira quoi رأيت سيارات vous avez compris là si on fait l'arabe là رأيت c'est quoi فعل ولتو فعل et سيارة مفعول به la phrase d'à côté c'est la même chose au niveau de l'arabe mais la différence c'est quoi c'est que c'est un pluriel déjà une différence tout le monde y est et la deuxième différence c'est quoi au niveau de l'i'rab est-ce qu'il est mansoub bil fatha ou bil kasra bil kasra taïb inchallah si vous voulez écrire ça écrivez-le taïb ça veut dire au niveau de l'i'rab c'est la même chose fi'l fa'al maf'ul bi hein, la première phrase il vous a mis quoi les signes de base taïb mais la deuxième phrase au niveau de l'i'rab c'est la même chose taïb mais si yaratin il est devenu pluriel taïb également quoi il est mansoub bi al-kasra طيب ان شاء الله. عندك عبد المجيد par rapport à ce qu'on a étudié là, جمع مؤنث سالم سيارات, tu peux nous rappeler un petit peu la c'est-à-dire les règles qu'on a données sur جمع مؤنث سالم. C'est un pluriel, جمع. طيب également on a dit مؤنث féminin. طيب est-ce qu'il y a son radical? Toujours là. Est-ce qu'il est Salem là dans cet exemple là? Non, il est Salem. Salem, qu'est-ce que ça veut dire Salem là? Salem, ça veut dire que le radical il n'a pas changé et qu'on a rajouté. Juste un alif. What? C'est compris ça? Là, la ta'arif, elle correspond à ça, Raliban. Les exemples que tu as donné tout à l'heure, Sajda et. C'est pour ça que j'ai dit Raliban. Vous avez compris? Sajdatun. Vous avez compris? Voilà, tu dis, par exemple, Allah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre un exemple? Inna sajadati. Là, il sera mansoub. Avec quoi? Tu mets bel kasra. Hublayat. Non. C'est compris, Inch'Allah? Taïb. Sa'alat il mudiratu talibata. Taïb. Andika Abdullah. Fais-nous l'arabe de cette phrase-là. Ça a pris un peu de temps aujourd'hui, mais alhamdoulilah, kulli hal. Le plus important, c'est que vous compreniez. Jam mouana sal. Ahsan, fi'al madi. Comment? Féminin. Eh non, mais pour l'instant, comme tu dis pas mouana. Tu nous dis comment t'as su que c'était mouana? Tatani. C'est-à-dire tatani, c'est pas le fa'al. أحسنت. سيكوا علامات التأنيث. أحسنت. طيب أين الفاعل؟ كم تاديك ستان فيرب اللي فوان سجي؟ المديرة. طيب الفاعل اللي كما مرفوع منصوب اللي كوا علامة الرف الضمة. سأدير ici le signe de quoi du مرفوع c'est la ضمة. أحسنت. طيب. après طالباتا سيكوا؟ مفعول بي. والمفعول بي علامته هو الأصل ما هي؟ لا فتحة. أحسنت. طيب لا يعني كسرة لا بخطوة. نعم سألتي المديرة. pourquoi une كسرة؟ أحسن. très bien. ici comme il y a deux secounes on a fait apparaître quoi؟ la كسرة la une règle de liaison. بارك الله فيك عبد الله. fais le au pluriel. à voix haute hein. vas-y. Lili c'est bien. lis-le. Mais au niveau de l'arabe, comme tu as dit, au niveau de l'analyse grammaticale, c'est la même chose. Sinon, si tu lis direct, c'est Alatil Mudiratu. Très bien. Barakallahu fik. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Taïb. Qara'atu al-Majallata. Taïb. Majallah, qu'est-ce que ça veut dire, Majallah? Magazine. Très bien. Qara'atu al-Majallati. Taïb, Inch'Allah. Khalaqallah. Taïb. Khalaqallahu al-Shamsa. والقمر والنجوم والبحار والأرض tout le monde dit là tout ça c'est quoi des مفعول بي et tout est et les signes du مفعول ici c'était quoi الفتحة ولكن والسماوات أو السماوات مفهوم هذا إن شاء الله et ça s'appelle loi العطف loi de coordination c'est à dire tout se suit دخل محمد وعمر وزيد إلى آخر مفهوم هذا C'est-à-dire Allah il a créé tout ça. C'est pour ça que regardez خلق الله خلق فعل الله لفظ الجلالة فاعل شمسة مفعول بي. La création est arrivée sur le شمس. Après wa القمر. Pourquoi wa القمر? On aurait pu dire وخلق الله القمر وخلق الله والنجوم. لا. ولكن on a mis quoi? المخلوقات direct. والشمسة والقمر إلى آخر on a dit والسماوات. طيب. Et si c'était un ciel, on aurait dit Sama'a. Mefoum? Vous avez compris là, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. On finit ça. Taïb. Andeka Mohamed. C'est-à-dire, il faut que vous fassiez quoi? Une bonne lecture. Abba Houta. سألت الأب سأل الأب سأل الأب الأبناء الأبناء essayez de bien sortir les alifs tout ça سأل الأب الأبناء والبنات والبنات. Le but de l'exercice, Mohamed, c'est de sortir les harakat à la fin. Sinon, moi, je sais que si quelqu'un il est bon, Inch'Allah, je vais savoir qu'il va dire que l'ab, il est fa'al. Et moi, je veux savoir. Ne me dis pas comme ça. Ça, al al-ab, al-abna, al-banat. Moi, je ne sais même plus après si tu dis vrai ou faux. T'as compris ce que je veux dire ? Non. C'est-à-dire, sors-moi les terminaisons pour voir si tu mets bien le fa'al, al-muf'ul bi. Ça, al al-abu, al-abna, a. والبنات أحسن بارك الله فيك طيب سأل فعل ماضي الأب فعل علامة ماذا الرفع الضمة الأبناء مفعول بي مفهوم وهو منصوب وعلامة النصب الفتحة والبنات والعطف البنات معطوف يونا دي كوا لوسيل منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة مفهوم لا كسرة لا رمبلاس كوا لا فتحة السلام وسيفون لا ميم ليكتور كتبت هذه الكلمات كتبت هذه الكلمات à qui tu parles là واش بغيتي ندير سوا ماشي mais est-ce que ce serait logique là comme ça tu lis tu dis كتبت هذه الكلمات ce serait pas mieux dire كتبت انا بارك الله فيك طيب essayez de voir quand vous lisez ce qui convient tu dis كتبت on va continuer à voix haute كتبت هذه الكلمات Très bien, بارك الله فيك. كتبت هذه الكلمات. Au suivant. رأيت الأطباء. الأطباء. Pourquoi t'as changé? Parce qu'il est mensuel. Moi je sais qu'il est mensuel, t'as dit أطباء, mais pourquoi? Explique-nous pourquoi t'as changé. Au début t'as dit رأيت الأطباء, après là tu dis أطباء. Il n'y a pas de mal, tu nous expliques. Après le verbe, ça devient mansoub. Bah dans ce cas-là, il est où le... Ja'at al-muslima, par exemple, ja'at, je dirais quoi? Al-binta, c'est ça? Après le verbe, ça devient mansoub. Là, il y a un verbe, ja'at al-binta. C'est bon? Tiens, je mets pas alif lam. Ja'a bintan. Ja'at bintan. C'est bon? Qui est d'accord avec lui? Le frère l'a dit, après un verbe, ça devient mansoub. C'est sûr ça. Après un verbe, ce serait plutôt quoi, Abdallah? Un verbe, il lui faut quoi, Abdallah? Un verbe, il lui faut quoi? Un sujet. Taïb. C'est-à-dire, le plus logique, on a dit quoi? Verbe, sujet, COD. Fi'l, fa'al, mef'ul bi. C'est-à-dire, on a l'atiba'a. Il est mef'ul bi. Ra'aytu l'atiba'a. Taïb. Ou Pourquoi oui, Abdallah, Allah est bête. Hein? Pourquoi? Parce que c'est. Le mef'ul bi, il est mansoub, avec la fatha à la base, non? Ouais. Et alors? Parce que c'est un jeune. Ah, d'accord. Wa tabibati. Au suivant? Oui, une question. Tradal. Pour un type il est mef'ul bi. Ouais. Mais il n'est pas aussi. Il n'est pas aussi. Et alors, le frère, il a dit à Tiba. Hein? Pourquoi il s'y passe? L'imam al-Nassaf, quand il est mansoub, il y a la fatha, il n'y a pas de mal. L'imam al-Nassaf, le problème, c'est quand il est majrour, pas quand il est mansoub, Abdelkarim. Taïb? Au suivant, la 5, Rasala. Rasala, al-waladu, al-siyarata. Siyarata. Très bien. Pourquoi tu n'as pas mis une kasra? Parce qu'il n'est pas djem'a. Il est moufrad. Barakallahu fiqh. Au suivant, Rasala, al-waladu, siyarata. Très bien. Rassala al-waladu siyarati. Au suivant. Très bien. A'akhatta riyalati ya baniya. Au suivant. Très bien. Sa'ala bilanun zumala'ahu. Au suivant. Très bien, ça, elle a Zainabou, Zamilatiha. Suivant. Très bien, Karatul Kutuba, Wal Musuhufa, Wal Majallati. Répète. Raïtu Ikhwatuha. C'est qui a vu? Non, Raïtu Ikhwatuha. C'est qui a vu? C'est qui a vu? C'est Ikhwato ou c'est toi qui vois? C'est moi qui ai vu. Automatiquement, alors le mot d'après, il est quoi? La vision n'est pas Mejrour, il est Mansour. Regarde bien, les frères de qui après? Ah là, alors Moudaf, Moudaf, il est. Concentrez-vous les frères. Ça, c'est Ders du 1. Faites attention. Ra'aytu ikhwata hamidin. Mais faux, madame? Voilà. Et le mansoub, il n'y a pas de mal qu'il soit Moudaf. Ra'aytu ikhwata hamidin wa wa akhawatihi. Taïb. Et ici, Jam Mouane Salim également, il est Moudaf. Et le Damir, il est Moudaf. Il est. Taïb, Inch'Allah, vous avez compris la correction là? Taïb. En suivant. Très bien. Qara'na hadi safahati. On va s'arrêter là, il est un peu tard. Al-Mu'im, Inch'Allah, tout le monde a compris le même nom, Jam'a Mouane Salima. Barakallahu fikoum.